Abliu, apu go, apu sumbo, diagwe. Kwa zase lu, kwa kode, ke kwa to setake, kwa plegu. Ani anzawa, ani bekema. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Voici venu le temps de la réconciliation. This is the fine time for reconciliation. This is the right time to save the nation. This is the fine time for reconciliation. This is not the time for retaliation. Benkadi, Benkadi, Benkadi, Benkadi, Benkadi, Benkadi, Benkadi, Benkadi, Benkadi, Benkadi, Benkadi, anye benkelema, Benkadi. Moniki ya wurufa tokben, doya sagabiki. Olokoson, anye reconcilié. Moniki ya wurufa tokben, doya saga biki. Olokason, no, anye reconcilié. Benkadi, Benkadi, Benkadi, Benkadi, Benkadi, anye benkelema. Benkadi, Benkadi, Benkadi, Benkadi, anye benkelema, Benkadi. Il est temps pour nous les Ivoiriens de nous donner la main pour reconstruire notre pays, car chaque chose a son temps. Que tu sois Senufo ou Malinké ou Krou, t'es Ivoirien. Que tu sois Akan ou Malinké ou Senufo, t'es Ivoirien. Côte d'Ivoire, people need peace and unity. We got the zone, no, no, no, no. Anye kele Davila, kele Manyi, anye bengele mu, anga hebolila. L'homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu'il y a une vérité plus grande que lui. L'homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu'il y a une vérité plus grande que lui. Chama sala badenu wonga nye ya fanyoluma ni chama mbola sa olona ngwangwambolo mogo chama sala wanye ya fa nyoluma ni shohe ni sa ni buya kole keile hako fembe. Mon frère et papa ont lancé ce qui met mon pied. On saillait ce que là, c'est quoi ce pépé? On l'est n'est pas là, elle en est n'est pas là. Ben ma yes, oh yes, ça, n'a son là. Mon jadou, dé. Ezure doyi wuyu wa. Kuri yo, eloni yo, yedanyame.